toujours les mêmes au-dessous. Pourquoi la crasse? Pourquoi pas la classe? Pourquoi pas les gros sous? Pour nous c'est la fiesta et pas Subaru, le tourniquet et pas la grand roue. Pour nous c'est tu et pas vous. Dans les yeux des gens, je peux lire fait comme chez toi. Mais au plus part des chez nous, d'aussi mauvais sentiments. Sans le dire c'est pire, que garder pour soi. On t'aime pas, on s'en cache pas nous. Est-ce que le ciel tient tout seul? Non je pense pas. Élève ton spirituel et ta cervelle et tu verras. En fait explique-moi, les droits de l'homme servent à quoi? Colonisation, positive, immigration. Positive, c'est fou ou quoi? Ce qui paraît, on est égal. Tous frères, on est tous libres, putain de monde libéral. Alors explique-moi, la surpopulation dans les milieux carcérales. Cet orphelin sans maison qui finira à l'hôpital psychiatrique et qui se fera déconseiller par voie orale au cutané et qui prendra des gros strics. Est-ce que tu le savais? Nous ça t'est égal, de toute façon je le savais. Alors pourquoi nous traitons d'animal, espèce de pavé? Alors faut taffer, creuser les consciences, étoffer les connaissances pour pouvoir répondre aux questions sans réponse esclavée de la réalité. Et penser à demain, essayer d'avancer droit et faire avec tout ce qu'on a dans les mains. Dis-moi pourquoi chaque interrogation peut répondre. À longueur de journée, pourquoi doit-on les aider, surtout partir le dernier? Ça fait mal de devoir les enterrer. Bref, un policier shoot Mohamed, rien n'est fait. Mohamed shoot un policier direct incarcéré. Comment ça se fait? On m'a dit un flic, c'est assermenté, mais qu'est-ce que c'est en vrai? Une immunité, un droit de veto, une sorte de bouclier anti-barreau pour être protégé en toute impunité. Pour dire à moi, je sais pas où est la vérité. Chirac sera-t-il jugé? Ben Laden retrouvé comme Saddam? Sera-t-il exécuté? Pas barre sur le macadam et sans pitié pour grand bonheur cette dame et ses messieurs. Ici ou l'immigration d'ici ou dans les cieux, la question de ma vie, c'est savoir d'où je viens mais pas où je vais. Avec tôt ou tard, je saurais, la vraie question c'est de savoir est-ce qu'un jour on vivra tous en unité. En prison, pourquoi les noirs ont les cheveux frisés? Pourquoi sont aussi courtes les peines pour les Émile Louis? Sûrement parce que le juge a un penchant pour les petits douilles. Si demain c'est la guerre, pourquoi fuir? On m'a dit mon pote tu veux de l'argent mais pourquoi faire? Encore un couplet similaire à d'autres qui repassent. Souvent on se pose des questions auxquelles on a déjà les réponses. Quand il t'arrive une galère, pourquoi moi? Et quand le voisin réussit, pourquoi lui? L'homme ne sait pas ce qu'il veut mais se pose des questions toute sa vie. Allez savoir pourquoi on connaît tous l'envie. Autrefois la foi tous l'avaient. Aujourd'hui on nous a tous lavés de mensonges. Il faut passer le message. Tant de questions dans mes songes et nous traiter comme des singes. C'est facile de refaire le monde avec des six-jeux. Mais pour l'instant c'est de leur mode que nous sommes les sujets. Pourquoi personne ne veut faire preuve de sagesse? Pourquoi on se laisse diriger par des pourritures? Des peuples entiers meurent de faim, on jette des millions de tonnes de nourriture. Bref, toujours les mêmes questions sur un quelconque morceau. Pour dire que la bombe lancée est impossible à désamorcer. Sur